On va continuer avec Guillermo Guise. Ça va les amigos? Yes. Bon, j'en parlais encore il y a quoi? Il y a deux heures avec Arlette Chabot, on était en after au VIP room. Elle me disait, Ernesto, fils de l'Europe des peuples, il faut que tu sors du bois. Elle me disait, tu peux plus te taire sur l'Algérie, LCI veut l'exclusivité, le Maghreb attend ton avis. Je lui fais, chouchou, je peux pas te parler, je suis pieds et poings liés, Mediapart me harcèle. J'ai dit oui à Edoui Plenel, c'est mon beau-père, je veux rien faire, tu vois. En revanche, si tu veux m'entendre parler d'Algérie, écoute la bande originale ce matin. Je lui dis, elle me fait, oui, t'es fou, Nagui pose des questions, même moi je suis pas habitué à la longueur et tout. Je dis, ouais, mais il y a Blié, Depardieu, Clavier ce matin, c'est les costauds, ça se trouve, Nagui, il va écouter les réponses, tu vois, ça peut arriver. Et moi, vers 11h30, j'ai une chronique, ça parlera de la SNCF, mais tu verras, c'est métaphore, parabole et compagnie, en sous-texte, ça parlera de l'Algérie. Elle me dit, putain, bon, ok, je me ferai violence, c'est horrible, mais j'écouterai la bande originale. Par contre, essaye d'articuler, pour une fois. Hein. Julie Arlette sort pas les dossiers qui blessent. Je dis, Jean-Rock, mets-nous le dernier, s'il te plaît, Tequila Popper, sous le fond de Leïla. Ouais, mais je transmettrai le message, Leïla, cette histoire, il faut régler cette histoire d'ardoise. Oui. Ça me met dans les positions. Bref, la chronique. En gros, je me suis retrouvé dans le Paris-Limoges. En tournée, sexy. C'est la salle qui a payé mon billet de train et j'avais le mail de confirmation, mais j'avais oublié de retirer le billet en borne. Et je sais, hein, c'est déjà palpitant. Mmh. Hein, j'imagine Arlette derrière son poste en disant Ernesto, c'est le nouveau Pierre Belmar. Tu vois, hein, c'est pas un compteur, c'est un griot. Oh, on est scotché. Donc, j'avais pas retiré le billet en borne et le contrôleur me dit, ah ben écoutez, je vais devoir vous faire payer le billet avec une majoration. 134 euros. Je dis, putain, c'est chaud, 134 euros pour Paris-Limoges. Paris-Limoges, à minima, il y a une gratuité, normalement, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est vrai, et c'est pas une question d'argent. Hein. Moi, je connais Nagui, on est plus amis depuis la Coupe du Monde, mais j'ai assez de dossiers sur lui pour que si jamais... Enfin, bref. Et le contrôleur me dit, si vous introduisez une procédure de remboursement à la SNCF, il se peut que vous soyez en partie remboursé. Et je lui dis, moi, j'ai une meilleure idée. Plutôt que d'entamer une procédure de remboursement qui va casser une couille au moins à tout le monde, à la SNCF, à moi, à Jean-Paul II, à Alain Prost, à Cheb Mami, à tout le monde, est-ce qu'on pourrait pas faire comme si le billet était déjà payé et que, genre, on se dit, voilà, c'est pas très grave tout ça, l'État islamique a été vaincu, la tuberculose aussi, dans 4 milliards d'années, de toute façon, notre galaxie va être percutée par sa voisine, donc viens, on se dit qu'on s'en balèque, tu vois, et c'est pas très grave, quoi. Il me dit, non, c'est la procédure, vous n'avez pas retiré le billet en borne. Eh bien, j'ai dit, dans ce cas, je vous souhaite des hémorroïdes avant le printemps. Ah oui, des surmesures pour la famille, dès qu'ils poussent pas dans l'anus, dès qu'ils poussent dans les sourcils, vraiment. Et vous me connaissez, je suis pas un misanthrope. Moi, j'aime bien Sapiens sous toutes ses formes. J'aime tout le monde, j'aime même Daniel Morin pour vous dire. Je vois Daniel, je me dis, ok, ouais, il est ceci, il a cela, il a des durillons, ce que tu veux. En attendant, c'est un frère humain, en plus poilu, certes. Là, les insectes sont en train de s'éteindre, mais sur Daniel, il y aura des poches de résistance, ça, je te le dis. Prends ça, Michel Houellebecq. Et ce contrôleur, vraiment, il m'a donné envie de crever dans une pancetta, quoi. Je le voyais. Il avait des cheveux en brosse, putain, en 2019. Des cheveux en brosse, c'est quand t'as des cheveux en brosse en 2019, d'office, t'as une petite tendresse pour la Grande Allemagne. C'est sûr et certain. T'as un chien, tu l'appelles discipline, c'est sûr et certain. Bref, l'autorité et le pouvoir, ce que je vous dis, aussi petit soit-il, bah, ça rend mesquin, on en use, on en abuse, on s'y accroche. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, Arlette. C'était mon sous-texte sur l'Algérie, tu vois. T'as rien raté, quoi. Et j'étais remboursé par la SNCF. Vive la SNCF. Bien, bonne émission. Merci, Guillaume. La bande originale, Nagui, sur France Inter.